troisième partie. Maigre et gras. Je voudrais aller dîner dans un bon restaurant. Quel restaurant? Au Veau-Maigre, peut-être. Ah oui, Madame Joubert m'en a beaucoup parlé. Il est cher? Pas tellement. En tout cas, pour toi, ça n'a pas d'importance. Merci, tu es gentil. Nous pouvons peut-être aller au Veau-Gras. Ça non, c'est un restaurant très cher, le Veau-Gras. Je ne vais pas t'offrir un repas au Veau-Gras, même pour te faire plaisir.